Je t'ai fait mal, je t'ai blessé, c'est pas ce que je voulais. J'ai voulu surfer la vague, mais mon navire a coulé. Même quand je fais semblant, j'arrive pas à être méchant. Je t'ai donné ma confiance, tu m'as donné de la méfiance. Si ton cœur vaut de l'or, je toucherai deux mots au bijoutier. Maman m'a dit, tu serais pas là, mon fils, si tu m'écoutais. Et j'en suis là à me dire, sans elle, qu'est-ce que je suis? La poisse m'appelle, me tire, sans cesse je la fuis. Sur sa tête une couronne, je décrocherai les étoiles. Bande de bouffonnes, c'est de ma mère que je parle. Vous m'avez trahi, j'ai le cœur dans le coma. Oui mon ami, j'ai la peau là, l'estomac. Elle voulait mon cœur, découvrir mes peurs. J'ai pas le temps ma chérie, je te dis à ta l'heure. L'autoroute de la vie, je la prends à ça à l'heure. Je tombe, me lève, repars et je sens ma galère. Je dors plus souvent la nuit, j'ai trop de soucis, je pense. Combien il me reste à vivre, je sais pas, je m'en fous, je danse. Y'a plus grand chose à faire, tout le monde se sépare. Ta femme qui te quitte, tes potos qui se barrent. Tu sais tout va vite, ici tout le monde s'oublie. Tu veux mon avis, peu d'aime trop de souris. De haine on se nourrit, pourtant c'était on pourrait. J'aurais pu donner mon cœur, mais j'ai vu les dangers que j'en courais. Je décrocherai les étoiles, bande de bouffonnes, c'est de ma mère que je parle. Vous m'avez trahi, j'ai le cœur dans le coma. Oui mon ami, j'ai la peau là, l'estomac. Elle voulait mon cœur, découvrir mes peurs. J'ai pas le temps ma chérie, je te dis à ta l'heure. L'autoroute de la vie, je la prends à ça à l'heure. Je tombe, me lève, repars et je sens pas galère.